au point que nous pensons qu'il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Nous avons dit, oui. Il a dit, quel mois sommes-nous? Nous sommes-tu? Jusqu'à ce que nous pensions, il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, n'est-ce pas le mois de Dhul-Hijja? Nous avons dit, oui. Il a dit, certes, votre sang, vos biens, vos honneurs sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, en ce mois-ci et dans ce pays-ci, que celui qui est témoin transmette à celui qui est absent. Et certes, celui qui est témoin, il se peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui. Fafi hada al-hadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum baynakum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. فدم المسلم حرام فقد جاءت عدة النصوص على ذلك منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني الثاني، والمارق عن الدين، التارق الجماعة. فهؤلاء حلت دماؤهم بنصوص الشرع. فالثايب الزاني هو من كان قد وطئ في نكاح الصحيح سواء تحته زوجة في الحمل أم لا، جريمة كبيرة فحده أن يرجم بالحجارة إلى الموت، وإن كان بكرا فحده جلد المئة والتهريب عنه كما جاء ذلك في نصوص الشرع في كتاب العزيز وفي السنة المطهرة. والنفس النفس، أي من قتل نفسا متعمدا وجب أن يقتل بتلك النفس، وجب أن يقتل بتلك النفس سواء قتل ذكرا أو أنثى. والمارق عن الدين، التارق الجماعة، أي جماعة المسلمين بارتداده عن الدين يقتل بردته. Ici dans le hadith Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans ce pays-ci. Le sang du musulman est sacré, comme cela a été mentionné dans de nombreux textes. Parmi ces textes, il y a le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, et également par Muslim dans son sahih, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: insulter le musulman est de la perversion, et le combattre, c'est-à-dire le tuer, est de la mécréance. Et également, il y a un autre hadith, toujours rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, et Muslim également dans son sahih, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne revenez pas après moi comme des mécréants en vous entretuant. Et également, il y a un autre hadith qui est toujours rapporté par Al-Bukhari dans son sahih et par Muslim également dans son sahih, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'est pas permis de faire couler le sang d'un individu musulman qui témoigne la ilaha illallah, c'est-à-dire point de véritable divinité à être adoré sinon Allah, et que je suis le messager d'Allah, que par les trois points suivants: une vie pour une vie, celui qui a perdu sa virginité et qui accomplit l'adultère, et celui qui est sorti de la religion et qui s'est écarté du groupe. De ce hadith qu'on vient de mentionner, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih et par Muslim dans son sahih, ceux-là, ces trois cas de figure, leur sang est licite, c'est-à-dire qu'il est permis de faire couler leur sang. Mais celui qui peut faire couler leur sang n'est que le gouverneur musulman. Et ces trois catégories de personnes, donc leur sang est permis qu'ils soient, qu'on puisse faire couler leur sang, car des textes nombreux ont été mentionnés en cela. Et parmi ces trois catégories de personnes, il y a le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-thayyibu zani, c'est celui qui commet l'acte charnel alors que celui-ci a contracté un mariage religieux et qu'il est toujours avec son épouse, ou bien qu'il n'est plus avec elle, c'est-à-dire qu'il a divorcé, par exemple. Ben, ce qu'il a commis ou ce qu'il commet, c'est un grand péché, un abominable péché. Et donc sa sentence, comme cela a été mentionné dans les textes religieux, et la lapidation jusqu'à la mort. Et deuxième cas de figure, c'est que si la personne maintenant est vierge et qu'également elle a contracté ou elle a commis un acte charnel, celle-ci, sa sentence est qu'elle sera flagellée de 100 coups et qu'on la expulsera du territoire pendant une année. Donc tout cela a été mentionné dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je le répète, c'est le gouverneur musulman qui applique cette sentence. Deuxième cas que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, une vie pour une vie. C'est-à-dire, celui qui tue volontairement une âme, alors il est obligatoire que celui-ci soit tué pour le sang qu'il a versé. Même s'il a tué une personne masculine ou une personne féminine. Et troisième et dernier cas de figure, c'est celui qui est sorti de la religion et qui s'est écarté du groupe. C'est-à-dire qui s'est écarté du groupe des musulmans. Donc celui-ci, de fait de son apostasie, il est tué. Et celui également, bien sûr, qui applique cette sentence, c'est le gouverneur musulman. وَمَا عَادَ ذَلِكَ فَدِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مَعْصُومَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهَا لَا بِالْبَرْدِ وَلَا بِالْقَتْلِ. Et donc, à part ces trois cas de figure qui ont été mentionnés dans la charia, le sang des musulmans est préservé, protégé et sacré. Il est permis à personne de s'en prendre à une vie, à une âme, en faisant couler son âme, même également en la frappant. وَهَكَذَا فِي أَمْوَالِ الْمُحْتَرِمَ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال الغير. Et également, les biens sont sacrés. Les biens des gens sont sacrés. Dans la législation islamique, il n'est permis également à personne d'agresser une personne, une autre personne, ou de s'en prendre à elle pour lui prendre ses biens. سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين ولو كان من الكفار. Et donc que cette personne, elle soit musulmane, ou même que cette personne ne soit pas musulmane, qu'elle soit mécréante. لا يجوز لك أن تعتدي على ماله. Et donc, il ne t'est pas permis d'agresser cette personne pour lui prendre ses biens. On a dit que cette personne soit mécréante. Illa al-haq. Hinama yaqoum al-jihad. وتعقد راية الجهاد في سبيل الله فتقوم المعركة بين المسلمين والكافرين جهادا شرعيا توفرت شروطه وامتفت موانعه سوف dans le combat. C'est-à-dire lorsque il y a la guerre sainte, que l'étendard de la guerre sainte a été levé pour combattre dans le sentier d'Allah. Lorsque il y a combat entre les musulmans et les mécréants, et que ce combat est une guerre sainte, légitime, dont les conditions sont remplies, et dont les obstacles sont et dont les obstacles sont anéantis. Et donc, concernant ce point-là, les grands savants ont mis en place ou ont notifié que concernant la guerre sainte, il y a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, cela n'est pas donc au titre de guerre sainte. غير المحارب أي الكافر الذي يعيش في ديار المسلمين أو يعيش في ديار الكفر لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي على ماله. Et donc, quant à concernant le mécréant qui ne combat pas, qui vit dans les pays des musulmans, ou qu'il vit dans les pays de mécréants, il n'est permis à personne de venir agresser cette personne pour lui prendre ses biens. Huwa fi mujtama'i al-kuffar ou fi mujtama'i al-muslimin. Donc que ce mécréant se trouve dans une société de mécréants, ou qu'il se trouve dans une société d'islam, il est formellement interdit de l'agresser pour prendre ses biens. وَالْإِعْتِدَاءُ عَلَى الْمَالِ لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. Et donc à savoir, concernant l'agression d'une personne pour lui prendre ses biens, cela se produit de différentes manières. قَدْ يَكُونُ بِالسَّلْمِ ou بِالنَّهَبِ. Cela peut se faire par pillage, saccage et autres. وَقَدْ يَكُونُ بِالسَّرِقَةِ. Cela peut se produire par le vol. وَقَدْ يَكُونُ بِالرَّشِ ou بِالرُّشِ فِي الْمُعَامَلَاتِ. وهذا الأمر منتشر أي الغش في المعاملات. Il peut se produire également dans la duperie ou la trahison lors de relations, et ce cas est très propagé, c'est-à-dire la duperie dans les relations. وإذا جاءت الإرشادات النبوية في البيوع كيف نبيع وكيف نشتري. Et c'est pour cela qu'il y a eu des directives prophétiques concernant la vente. Comment doit-on vendre? Comment doit-on acheter? فقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان للخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا. Et donc le hadith qui a été mentionné par Al-Bukhari dans son sahih et également par Muslim dans son sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vend, le vendeur, et celui qui achète, l'acheteur, sont dans le bien tant qu'ils ne se sont pas séparés ou jusqu'à ce qu'ils se séparent. Si les deux, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, sont véridiques et sont claires, c'est-à-dire dans leur vente et dans leur achat, alors Allah subhanahu wa ta'ala mettra la bénédiction dans la vente et dans l'achat. Mais si ils cachent ou ils mentent, s'ils cachent et ils mentent, alors la bénédiction de leur vente et de leur achat disparaîtra. فَلِذَٰلِكَ أَوْ ذَٰلِكَ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَ النَّاسِ مَعْصُومَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا بِأَيِّ لَوْنٍ مِنَ الْأَوْلَادِ بِأَيِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ الْإِعْتِدَاءِ. Et donc, les biens des musulmans et les biens autres que les musulmans, ils sont préservés, protégés et sacrés. Et il n'est permis à personne donc d'agresser telle et telle personne pour lui prendre ses biens, quelle que soit la façon. Quelle que soit la façon. فلهذا نذكر حديثا الذي رواه مسلم في صحيحه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سدرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله فقال له أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Et donc pour citer un hadith qui mentionne ou qui montre que les biens des gens sont sacrés, c'est le hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est passé près d'un tas de nourriture. Il est passé près d'un tas de nourriture. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a introduit sa main, dont ses doigts, lorsqu'il a introduit sa main, ses doigts ont été mouillés. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce que cela, ô celui qui possède cette nourriture? Et celui qui possède cette nourriture a dit: c'est la pluie qui a mouillé donc cette nourriture, ô messager d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi n'as-tu pas mis cette nourriture, c'est-à-dire cette nourriture qui a été atteinte par l'eau, au-dessus, afin que les gens l'aperçoivent? Et celui qui dupe ne fait pas partie de moi, c'est-à-dire ne suit pas mon chemin. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يراه الناس من الغيب غشا ومن أخذ المال بغير حق فإن فاعله لا ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي طريقة الصدق. Et donc, ici dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré ce que les gens n'ont pas vu comme vice ou défaut, étant du prix. Et donc, celui qui prend l'argent ou le bien des gens sans droit, celui qui commet cela, il n'a pas suivi le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dont son chemin est un chemin de vérité. وهكذا الأعراض الأعراض من أهم الأمور والتوقي منها يجب أو يحتاج إلى العزم وضبط النفس. Et également, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, et également les honneurs ou l'honneur est un des points les plus importants que s'en préserver, c'est-à-dire de profaner l'honneur d'un tel. Il nécessite de la part de la personne une résolution et un contrôle de soi-même. فَالْعِرْدُ قَدْ يُنْهَتَقُكْ إِمَّا بِالْقَذْفِ لِلْمُحْسَنَاتِ أَوْ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَإِمَّا بِالشَّهَادَةِ الزُّورِ لتهتك أعراضهم وإما بالغيبة وما أكثرها وإما بالنميمة وإما بالنميمة وإما بالكذب وغير ذلك من الأسباب التي تهتك الأعراض بواسطتها. Et donc l'honneur, il peut être profané de différentes manières. L'honneur de la personne peut être profané de différentes manières. Parmi celles-ci, c'est d'accuser à tort une personne féminine qui a gardé sa chasteté de fornicatrice, ou même d'accuser un homme qui a gardé sa virginité d'avoir accompli la fornication. Également, il y a le témoignage faux afin de profaner l'honneur d'un tel. Et également, il y a la médisance. Et quel nombre la médisance. Et également, il y a la calomnie. Et également, il y a le mensonge. Et autres moyens qui profanent l'honneur d'un tel. فلهذا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه كما يجب عليه أن يحفظ سائر جوارحه فيما يتعلق بحقوق الله أو فيما يتعلق بحقوق الخلق. Thank you. كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Et donc, il est une obligation aux musulmans qu'ils préservent sa langue. Et de même, il lui est obligatoire qu'ils préservent tout autre membre de son corps. En ce qui concerne les droits d'Allah et en ce qui concerne les droits des créatures, a été rapporté dans le Sahih de Bukhari, le Sahih de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Wali ahammiyat al-amr. بين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وأشهد عليهم ربهم فقال كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم: ألا هل بلغت؟ قال: نعم، في حجة الوداع. Et donc, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a mis en évidence, et de l'importance de ce fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence cela à sa communauté. Et même, il a pris en témoin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a pris en témoin leur Seigneur. Comme cela a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih de Muslim, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage d'adieu et qu'il a dit à ceux qui étaient avec lui: et n'ai-je pas transmis? Ils ont dit: oui. Falhamdulillah alladhi هيا لنا وصول هذه النصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة لتكون سببا في الهداية والنور نستضيء به. Et donc, louange à Allah qui a disposé pour nous ces textes, c'est-à-dire le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna pure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela soit une cause, un motif de guider et également une lumière par laquelle on est éclairé. Wa inna al-akhdha biha wal-i'tisam biha wal-'am wat-tatbiq al-'amali laha la huwa muradullah min 'ibadihi. Et donc, prendre ces textes, se cramponner à ces textes et mettre en pratique ces textes, c'est ce que Allah veut de ses serviteurs. فالواجب أن يتعامل المسلمون مع نصوص الكتاب والسنة الالتزام بالأوامر والاجتناب بالنواهي وإحلال الحلال والتحريم الحرام وأخذ الحق ورد الباطل والاعتصام بالسنن وترك البدع. Et donc, il est une obligation que les musulmans doivent se comporter vis-à-vis des textes du livre d'Allah Azzawajal et des textes de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam en se conformant aux obligations, en s'écartant des interdictions, en proclamant le licite, en proclamant l'illicite, en prenant la vérité, en rejetant le faux, en se cramponnant à la sunna et en rejetant l'innovation. Sawa'un min al-bida'i al-mutaqaddima التي نقرأها في الكتب أو من البدع المعاصرة التي تحدث في كل زمان وفي كل مكان لأن البدع لم تنقرض. Que cette innovation, donc le croyant, il doit se cramponner à la sunna et il doit rejeter l'innovation. Que cette innovation soit une innovation ancienne, qu'on trouve, qu'on lit dans les livres précédents, ou que cette innovation soit contemporaine, qui se produit en chaque temps et en chaque lieu. Car les innovations, elles ne s'éteignent pas. Walhamdulillah, kullama intasharat bid'atun min asri sahaba radiyallahu anhum ila yawmina hadha wa ila ma sha'a Allah yuhayyi'u Allah man yarudduha بالحق بأدلة من الكتاب والسنة ويحذر الناس من الوقوع فيها. Et louange à Allah qui a fait que chaque fois qu'une innovation s'est propagée depuis l'époque des compagnons d'Allah les agréés jusqu'à notre époque et jusqu'à ce que Allah voudra, Allah subhanahu wa ta'ala, il a disposé des hommes qui réfutent, qui rejettent ces innovations avec vérité, en s'appuyant sur des preuves tirées du livre d'Allah azza wa jalla et tirées de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils mettent en garde les gens de tomber dans l'innovation. والناس بين موقف يرفض البدعة ويأخذ السنة وبين جاهل أو من له غرض من الأعراض السيئة فيبقى في جحيم البدعة معرضا عن السنة وهذا من الظلم للنفس الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Et donc, concernant l'innovation, on trouve deux catégories de gens. vis-à-vis de l'innovation. Certains parmi eux, ils vont réfuter l'innovation. Ils vont la réfuter et ils vont s'accrocher à la sunna. Et d'autres, il se peut qu'il est ignorant, ou il se peut qu'il a une mauvaise intention, ou il a des mauvaises intentions, et il restera accroché à la fournaise de l'innovation. En Il restera raccroché à la fournaise de l'innovation en se détournant de la sunna. Et donc celui-ci, celui qui agit ainsi, il s'est fait du tort à lui-même. Il a commis de l'injustice à lui-même. Dont Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a interdit. Allah, azza wa jal, a dit dans Sourate le repentir, Tawbah, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنْفُسَكُمْ. Et durant ces mois, ne vous faites pas du tort à vous-même. فَنُعِيدُ الْحَدِيثِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَ عَنْ أَبِيهِ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Et donc, lorsque le compagnon donc a dit, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur sa chamelle et qu'un individu tenait les brides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel jour sommes-nous? Nous ne sommes dus jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, ne sommes-nous pas le jour du sacrifice? Nous avons dit, oh que oui. Fahuna, عندما قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه فهنا هذا الإنسان أمسك الخطام أو الزمام حتى لا تتحرك يكون مستقرا أثناء الأداء والذكر والبيان ولم يكن منشغلا أن يقع فالاستقرار هيئة يثير الهدوء والسكينة والطمأنينة وأيضا الثبات وكل ذلك يساعد على الإلقاء وهنا أيضا من فوائد هذا الحديث كونه أي النبي صلى الله عليه وسلم كونه عاليا ومرتفعا حتى يراه الناس ويسمعونه وهنا فيه الدليل على الجلوس على البعير للحديث أو للحاجة تدعو إليها ما لم يكن إذاء أو ضررا على البعير. Ici, en première partie du hadith, lorsque Abd al-Rahman ibn Abi Bakr a dit que son père a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur sa chamelle et qu'un individu, donc l'individu bien sûr c'est un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tenait les brides. Ici, ce compagnon qui tenait les brides afin que la chamelle ne bouge pas et afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit stable, fixé. Lorsqu'il a mis en évidence ses paroles, lorsqu'il a cité ses propos et lorsqu'il a propagé ses propos, afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas perturbé de tomber. Donc en étant bien fixé corporellement, ceci va influencer tranquillité, douceur, quiétude, et tout cela va l'aider à pouvoir transmettre d'une manière correcte. Et donc ici, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé à ses compagnons en étant sur une monture, comme l'ont mentionné les gens de science, la raison c'est que les gens pouvaient le voir en étant en hauteur, en étant élevé, les gens pouvaient le voir et pouvaient entendre ses propos. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, de ce hadith, il y a une preuve qui est permis de s'asseoir sur une monture afin de narrer ou pour un autre besoin qui nécessite également. Tant que, comme nous l'avons précisé, tant que cela ne fait pas du mal et ne porte pas préjudice à la monture. وفي آخر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعله منه فيشير النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أو إلى الإنسان أن يتعلم وينبغي ابتداء أن يحرص على تحمل على التعلم وأن يضبط تلك المعلومات كما سمعها وإلا فيحفظها وإلا فيستعين بكتابتها كما سمعها فكأن المعنى هو حاولوا أن تفهموا أو أن تفقهوا كما قال الله عز وجل ليتفقهوا في الدين وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Et donc à la fin du hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est témoin transmette à celui qui est absent, car celui qui est témoin, il se peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui, qui comprennent mieux que lui. Et donc, comme l'ont dit également les gens de science, dans cette parole, ou cette parole, elle fait allusion à que le croyant doit apprendre. Il doit, il lui convient en premier, qu'il soit désireux, donc, de pouvoir transmettre, tout d'abord en apprenant et en assimilant les informations qui lui seront véhiculées comme il l'a écouté. Et si, comme il l'a écouté, afin qu'il puisse les mémoriser. Et si la personne ne peut les mémoriser, alors il cédera de l'écriture, comme il a entendu. Et donc ici, le sens, c'est comme si la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était, lorsqu'il a dit que celui qui est témoin transmet à celui qui est absent, donc c'est-à-dire celui qui a été témoin des propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si le messager sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux qui étaient témoins de comprendre, d'essayer de comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Comme Allah azza wa jal a dit, afin qu'ils comprennent leur religion. Et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. فإن العلم يبلغ فمن كان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه إلى غيره لأنه إذا بلغه إلى غيره أي الأحاديث يحصل له الحفظ. Et donc, également, la science, elle doit être transmise. La science doit être transmise. Car ici, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ » Comme on l'a vu la semaine dernière, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé une lettre qui est le « li ». Et ce « li », ici, grammaticalement, comme l'ont expliqué les gens de science, celui indique l'ordre. C'est un ordre. Donc, c'est un ordre de transmettre la science. Et comme, Inch'Allah, on le verra la semaine prochaine, donc on verra les textes qui montrent l'obligation de transmettre la science et le péché de dissimuler la science. Et donc ici, la science, elle doit être transmise. Celui qui a connaissance de la science avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit le transmettre à autre qui ne le connaît pas. Et en même temps, lorsque celui qui transmettra à celui qui ne connaît pas, et bien par cela, la science sera préservée. فنكتفي اليوم بهذا القدر. Donc on va se contenter de ce qu'on a vu aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on terminera les quelques fawaïd, les quelques utilités qui ont été données des savants concernant ce hadith. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on passera au nouveau chapitre qui est باب العلم قبل القول والعمل. On passera un nouveau chapitre qui est le chapitre la science avant la parole et l'acte. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.